Merci Marie-Hélène. 15h30, Culture Société, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Peut-on faire une archéologie des refuges, des réfugiés? Bien entendu, c'est notamment le cas de la grotte des Planches dans le Jura, où durant les temps troublés de l'âge du bronze final, il y a 3500 ans, une communauté vécut dans l'insécurité, repliée sur elle-même face à l'agresseur. Reprenant ce thème, vivre sous terre, le Salon Noir se consacre aujourd'hui aux réfugiés d'une des plus violentes batailles de l'histoire, le 6 juin 1944. À l'invitation de Laurent Dujardin et de deux archéologues, Cyril Marcini et Vincent Carpentier de l'INRAP, je me suis rendu dans les carrières de Caen en compagnie de Sophie Bécherel de France Inter. Notre but, plonger à plus de 12 mètres de profondeur à la recherche d'un passé récent, rencontrer aussi un des rares témoins, Yvette Le Timonier. Heureusement qu'il n'y a pas de prise d'image. Pas trop fort, monsieur Pierre. Voilà. Il y a une bonne chose de faire. Il y a combien de mètres de profondeur? Il y a 12 mètres. 12 mètres. On est sur un aménagement fait par les civils, donc c'est quand même quelque chose d'assez complexe finalement, puisque le sol occupé est entièrement damé, aplati. Il y a un système d'emmarchement qui est fait en fer et en bois qui permet d'accéder en fait aux unités. Et ici, on a l'emplacement d'une ou deux familles qui s'est installée en juin. Sur les sols, on voit encore tous les vestiges abandonnés après le 19 juillet 1944, qui sont encore tous posés à leur place. On devine d'ici, même si on est un peu loin, ici une bouteille par exemple, quelques ustensiles de cuisine à côté, des assiettes brisées devant nous. À l'arrière, il y a un petit lieu avec du feu, en fait, il y a un pot en terre cuite à l'intérieur, des charbons de bois. Et on a autour, juste à côté, devant, en fait, qu'on devine un petit peu, le sol est un peu plus aplati, un lieu de couchage. Mais on va voir d'autres secteurs un peu plus facilement en avançant vers le fond de la carrière. Ouais, ça, c'est décidé. Donc il y a un chemin, et puis de chaque côté va se développer des unités d'habitation. Mais on voit déjà toutes les zones de rejet sur les côtés, puis on voit bien cette espèce de route. Et quand on regarde de près, donc ici c'est un peu boueux, donc c'est délicat, mais on va voir un peu plus en détail là-bas. À l'emplacement de cette voirie, on va trouver des objets perdus, tombés des poches, donc des pièces de monnaie, quelques menus objets comme des perles, des billes, voilà, des petits objets du quotidien qui sont tombés à l'emplacement du chemin. Ceux qu'on sera en mesure de s'attendre de trouver à l'air libre, en fait. Quand on fouille un chemin, une voie, on trouve des monnaies. Voilà, on a la même chose ici. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde là et puis après on fait gaffe au chemin. Alors là, il faut faire super gaffe parce qu'il y en a partout. Donc le mieux, c'est vraiment rester à l'endroit où il y a les empreintes de pas en visant la petite marque de peinture ici. Pourquoi vous nous demandez cette précaution? En fait, on est directement sur les niveaux archéologiques ici. C'est comme dans une grotte préhistorique. Tous les vestiges sont posés sur le sol, il n'y a aucun recouvrement. Et notre travail, c'est avant tout d'étudier ces objets in situ. Et donc, j'aimerais qu'on les ménage. On est sur une zone qui a été pratiquement laissée à l'abandon après la Seconde Guerre mondiale, où tout est encore en place, dans un état de décomposition. Voilà, il y a des choses qui nous manquent. Il y avait des étagères qui sont tombées. Le bois s'est décomposé au fur et à mesure. Mais voilà, on est dans quelque chose qui est quand même un peu dans son jus, même s'il y a eu de la fréquentation, voilà, il y a eu du passage. Il y a des zones qui sont même entièrement détruites. Dans ce secteur-là, c'est assez bien conservé. Vincent Carpentier, 6 juin 44, Caen est totalement rasé. Alors pas dès le 6 juin, les bombardements du 6 juin sont en fait tout d'abord les gros bombardements préparatoires au débarquement proprement dit, qui démarrent dans les jours précédents et puis qui s'intensifient évidemment. Ce qu'il faut bien avoir toujours en mémoire, c'est que les Alliés avaient prévu d'enlever Caen dès le 6 juin. Donc le 7, Caen devait être une ville libre, le pivot pour l'offensive. Ça s'est pas du tout passé comme ça, comme on le sait. Les combats sont allés de plus en plus violents, d'abord au nord de Caen, puis ensuite sur les itinéraires latéraux, en particulier vers l'ouest, en direction de Carpiquet. Les Canadiens ont fixé le front pendant très longtemps, le front allemand, et on situe ici, aux alentours de la mi-juillet, dans une zone de combat et de bombardement très intense, avec une volonté de la part des Alliés de dégager la ville à l'aide de frappes aériennes préparatoires. Donc, de fait, Caen sera totalement rasé sous je ne sais combien de mètres de d'éboulis. Alors, Caen finit par, suite à ces bombardements répétés, bien sûr, finit par être un champ de ruines, rasé à peu près aux trois quarts, hein, ce qui est quand même considérable, avec des populations qui ne savent plus où s'abriter, parce que, y compris dans les caves des immeubles, elles se transforment en pièges mortels et le champ de ruines est lui-même envahi de cadavres. Il n'y a plus d'eau courante, il n'y a plus rien à manger. Bon, puis c'est évidemment la peur qui règne partout. Donc, ces colonnes de réfugiés partent en exode, en direction du sud, essentiellement, sur la route de falaise. Et certains d'entre eux, jusqu'à plus d'un millier dans les carrières des coteaux au bord de l'Orne et coteaux de Fleury, sont accueillis par les propriétaires des lieux qui leur aménagent dans l'urgence absolue des espaces pour se cacher. Dans cette carrière, combien de personnes vont vivre ? Alors ici, je crois que le maximum est de 120 personnes, environ une centaine de personnes. Et avec des pics qui montent jusqu'à 1 000, 1200 même, je crois. Hein. Les carrés des coteaux, c'est 12 000 personnes au maximum, leur affluence. Et puis, une grande partie de ces gens s'en vont relativement vite parce que ils vont gagner d'autres endroits plus calmes, parce que les troupes allemandes s'installent aussi et créent au mieux une gêne, au pire la terreur, voire des représailles sur les civils. Ils se nourrissent un peu sur le pays, etc. Donc, c'est des conditions de vie extrêmement difficiles avec, évidemment, la nécessité de nourrir tout le monde pour les propriétaires. Hein. Donc, ils doivent aller régulièrement dans les périodes d'accalmie, au ravitaillement, c'est-à-dire récupérer un lapin dans un clapier, une poule, des œufs, surtout des vaches alors vivantes si possible, boire du lait, etc. pour les enfants, ou du bétail mort, ce qui ne manque pas dans la région à l'époque, et puis les ramènent ici au péril de leur vie, les dépècent, et puis les organisent la cuisine dans des conditions très précaires. L'un des principaux atouts de cette carrière, c'est la présence quand même de liquide, c'est-à-dire de la bière, elle est bien sûr, et puis également de l'eau, ce qui permet quand même aux gens de survivre dans des conditions relativement acceptables. En tant que dernier vestige de ce chapitre de la Seconde Guerre mondiale, c'est un document irremplaçable. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune source écrite qui remplace l'étude de ce type de gisement. On a affaire ici à des données conservées en place, j'ai envie de dire dans leur jus, c'est-à-dire qu'ils nous parlent directement pour peu qu'on les interroge de façon, je dirais, rigoureuse. Et aucun document écrit, aucune photographie ne permet de remplacer la conservation de ces éléments. Donc c'est aussi une idée d'archéologie, mais aussi de conservation. Donc on parlera d'archéologie non destructrice, comme pour des grottes préhistoriques par exemple, conservation pour les générations futures, comme preuve pour la mémoire. C'est-à-dire que tous les objets restent en place ? Tous les objets restent en place. On a utilisé ici des méthodes de relevé non invasives, c'est-à-dire qui permettent de topographier chaque objet, chaque élément du site, sans le déplacer, sans le toucher. Alors, l'idéal, ce serait même de pouvoir pratiquer cette recherche sans mettre la main du tout sur le matériau, ne pas intervenir, ne pas mettre en place des processus de destruction. Ensuite, dans le détail, tous les objets de toute catégorie, puisqu'on va trouver des choses qui paraissent très communes, des bouteilles de bière, de la vaisselle, mais aussi beaucoup d'objets de la vie courante, de la toilette, etc., ils permettent d'aller assez loin dans la façon dont se sont organisés les réfugiés, dans leur identité, dans finalement aussi l'étude d'une organisation de survie qui transcende un peu les époques, c'est-à-dire voir comment, dans des conditions extrêmes, une population donnée finalement s'organise pour surmonter. Tous ces aspects-là sont totalement nouveaux et permettent de rejoindre une approche plutôt anthropologique d'ailleurs de l'histoire et pas seulement de l'archéologie. C'est un chapitre au sujet de la Seconde Guerre mondiale, quand même un conflit qui a concerné l'ensemble de la planète, donc c'est un chapitre incontournable et donc un document exceptionnel et lui-même incontournable. Alors l'anthropologie, on le voit bien, mais est-ce que l'on peut faire une sociologie dans cette grotte ? Au niveau du recrutement des réfugiés, c'est une question assez difficile à résoudre puisque les gens qui se sont réfugiés ici l'ont été de manière fortuite. Ils ont fui Caen, ils ont été accueillis par les propriétaires. Bon, il n'y a pas de recrutement trié, si on peut dire, à la base. Par contre, au niveau de l'organisation à l'intérieur de la carrière, il existe bien sûr un plan, d'ailleurs consenti par tous, avec des lois non écrites. C'est essentiellement dans la mesure où cette société s'est organisée par famille, une organisation par petits clans. Alors on se rapproche plus ou moins de l'entraide, dans des espaces plus ou moins confortables, jugés plus ou moins dangereux. Et toute cette, évidemment, disposition à l'intérieur de la carrière ne peut être abordée qu'en utilisant aussi les témoignages, c'est-à-dire les souvenirs des gens qui sont capables de nous confirmer la présence de telle ou telle famille à tel ou tel endroit. Donc voilà, là on est à nouveau sur un secteur qui est plutôt très très bien conservé. Donc là on a vraiment cette idée de cheminement qu'on devine bien au centre, hein, avec à nouveau des emmarchements. On voit tous ces piquets encore plantés dans le sol qui délimitaient en fait les différents espaces de vie. Hein. Comme ça, au premier coup d'œil, on en dénombre déjà 1, 2, 3, 4, 5 au fond. Hein. À l'avant de ces unités d'habitation, on a deux autres espaces qui sont plutôt des espaces ouverts, si on peut dire, vu que tout est fermé ici. Et sur chacun de ces espaces ouverts, on a des petits braseros de chaque côté, hein, encore en place. Hein, et autour de ces braseros, des briques posées au sol, qui étaient en fait des sièges, hein, et puis disposées un peu partout. Des éléments de faune qui correspondent aux aliments qui ont été consommés sur place. Des jouets d'enfants, ici on a une poupée par exemple. Hein, tasses brisées, vaisselle. Et si on regarde un peu plus près, si on s'approche, on se rend compte qu'il y a plein de petites verreries qui correspondent en fait à des produits pharmaceutiques. Hein. C'est parce qu'on n'est pas n'importe où. Ici, on est chez le docteur Coyer, donc un des personnages un peu importants de la carrière, hein, le médecin qui s'occupait des gens ici. Hein. Et on est là, à un endroit où les gens ont été soignés. Hein. Grâce au témoignage pardon, de Madame Le Timonier, elle nous a relaté certains faits à cet emplacement. Par exemple, des gens qui venaient manger la soupe juste à l'endroit où on est, hein, sur le brasero qui est encore posé ici. Hein, le docteur Coyer préparait une soupe pour les enfants, hein, qui est accompagnée de sirop pour la toux. Et on voit encore deux bouteilles, hein, situées à l'arrière, qui sont des bouteilles de sirop pour la toux. Madame Le Timonier, le 6 juin, une partie de la population civile fuit. Vous vous réfugiez. Oui, on habitait juste en face des carrières. On a traversé la route et descendu dans les carrières de la Brasserie Saint. Vous allez y passer combien de temps? Du 6 juin au 28-29 juillet. Et votre père appartient à la défense passive? Il organise un non, peu tout ça? Non. Il faisait partie de la résistance, mais il n'a jamais voulu donner le nom du groupe auquel il appartenait. Donc vous êtes près des carrières, votre famille se réfugie, mais bien d'autres personnes aussi? Ah oui, ici je ne connais pas le nombre de réfugiés ici dans les champignonnières, mais à la carrière de la Brasserie Saint, on était une centaine. Vous aviez quel âge à cette époque? 11 ans et demi. Comment s'organise la vie, cette vie cavernicole? Ben, on a fait comme on a pu. Chacun a amené ce qu'il avait. Et quand il y avait des bêtes de tuer, mon père et le comptable de la brasserie allaient dépecer les bêtes dehors. Et mon père faisait la cuisine dans une grande marmite dans la carrière. Pour tout le monde? Pour tout le monde. Et alors, vous vous regroupez au sein de petits groupes d'amis, ce genre de choses? Oui, famille, amis, voisins, on se groupait comme ça. On ne pouvait pas faire autrement, d'ailleurs. Et les gens se réfugient petit à petit, donc de plus en plus de gens arrivent? Dans la semaine, c'était le mardi, on est descendu le mardi dans la carrière, et le jeudi, on ne pouvait plus mettre personne. Parce que les Allemands étaient arrivés, les SS, c'est tout ce qu'on veut. Parce que les Allemands étaient aussi dans les carrières? Ah ben, ils sont venus aussi. Il y avait les SS qui étaient là. Alors, ça se passe comment dans ces cas-là? Ben, on n'osait pas trop bouger. On ne disait rien. Et vous, enfant, quelles sont les activités d'un enfant dans une carrière? Il y a plein de choses à découvrir. Oui, mais à condition que les parents ne soient pas là. C'était le seul moyen de... Mais moi, j'avais déjà vu les carrières avant, avec mon père. Alors, c'est pour ça que je pouvais mieux me diriger. Mais c'était tout, quoi. Alors, vous étiez parti avec quoi? Quel objet aviez-vous emporté? Vous aviez 11 ans et demi. Je suis descendue habillée en communiante dans la carrière. Et je suis descendue en robe de communiante, grande robe blanche, chaussures blanches, tout blanc. On n'était plus blanc en descendant, en arrivant. Et vous avez passé un mois et demi en communiante? Non. Non, on est remonté. Mon père est remonté. Moi, je suis remontée contre la vie de tout le monde. Et puis, on a pu quand même récupérer des affaires. Vous aviez des objets propres à vous, des petits jouets, des choses de cet ordre-là? Non. Une radio? Qui avait été bien cachée, que personne n'a trouvé. Mais ça, c'était, on écoutait Londres, quoi. Et le ravitaillement se fait comment? Vous me disiez que votre père tuait des bêtes et essayait de ramener un peu de viande, mais et le reste, la boisson et le reste? Ah, de l'eau. De l'eau, il y avait de la bière aussi. C'était de l'eau. Et puis, mon grand-père allait dans une ferme chercher du lait, un peu pour les enfants. Moi, j'avais le droit à ma petite ration supplémentaire. Ça, c'était... Normalement, ça n'aurait pas dû être. C'est mon grand-père qui y allait. Il me rapportait un petit verre en supplément. Et puis, il y a tous les problèmes de gestion, de population, dans un milieu extrêmement confiné. Tous les problèmes d'hygiène, comment tout ça s'organise? On avait fait... les hommes avaient creusé une fosse pour les toilettes, avec des grandes lattes de bois entre chaque. Et là, on a pris des parties parties de rigolade, à voir tous ces messieurs, les officiers, en train de s'installer pour aller se soulager. C'est pour ça qu'il y a quand même... C'était dramatique pour beaucoup, mais il y a quand même eu des moments comiques. Vous disiez tout à l'heure que vous en avez... Pendant longtemps, vous n'en avez pas parlé. Ça veut dire que ça a quand même été une période traumatisante, quelque part. Parce que moi, j'ai eu quelqu'un qui a été fusillé sur la route. Il était résistant, ça c'est sûr. Il était laissé sur la route comme ça. Et c'était le jeune frère de ma mère. Il allait avoir 20 ans. Et ça a fait que j'avais pris toute cette race, mais alors une haine profonde. Vous n'avez pas du tout parlé après ? Très peu, c'est... Il y a très très longtemps que j'en ai parlé si avec ma fille aînée, mais autrement très peu. Et revenir 70 ans après un tel événement, quand on est enfant de 11 ans et demi, aujourd'hui, quel sentiment avez-vous? Ça m'a fait du bien. Ça m'a permis d'expulser toute cette rancœur que j'avais, quoi. Parce qu'au fond, maintenant, on se rend compte que malgré... une certaine société allemande, l'autre en a bavé aussi. Ça, il faut reconnaître ce qui est. Alors bon, je dis maintenant, c'est passé. Qu'est-ce que vous voulez faire et dire? Il y en a qui ont souffert, certainement. Ils étaient puis contraints, comme nous, on a été contraints, mais pas de la même façon, à vivre sous leur botte. Mais bon, c'est comme ça. On arrive à éloigner. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. On est sur une archéologie du refuge. Plutôt une archéologie de l'enfermement, je dirais. Comment les gens se sont comportés en milieu clos de refuge, bien entendu, hein, mais surtout dans un lieu très, très colmaté, très enfermé, avec un éclairage qui n'était pas tout le temps très présent, hein. Voilà, c'est plutôt cette archéologie-là hein, qui nous intéresse ici. Surtout qu'on aimerait la comparer avec des périodes plus anciennes où on n'a du coup pas du tout de source, forcément. Mais on sait que, par exemple, durant l'âge du bronze ou l'âge du fer, certaines populations se sont aussi réfugiées. Vous qui êtes préhistorien ou protohistorien, est-ce que vous pouvez en tirer des conclusions? C'est un des aspects qui m'a séduit en fait en venant ici. La première fois que Laurent Dujardin m'a emmené, j'ai tout de suite pensé à la grotte d'Arbois. Hein. J'ai pensé aux travaux de Pierre Pétrequin. Et je me suis dit, mince, on a les mêmes typologies d'objets. Voilà, quand on fouille une grotte refuge, qu'on qualifie de refuge, mais on n'en sait rien, de l'âge du bronze, on trouve par exemple des épingles en os ou des bijoux à l'emplacement de lieux qu'on pense être réservés par exemple au couchage. Et ici, on a la même typologie d'objets. On retrouve des éléments pour la parure à côté de lieux de couchage qui sont avérés puisqu'on a les emplacements des couchages avec des fois un peu de paille, etc. Donc voilà, on a des bons éléments pour faire un parallèle qui peut paraître un peu hardi comme ça, mais un bon parallèle, je pense, quand même avec les périodes plus anciennes. Vincent Charpentier, on connaît de la guerre et de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, des batailles. Des camps ensuite, on peut penser que ce type de refuge est un nouveau type de champ à étudier? Alors, ce n'est pas strictement lié à l'histoire ou à l'archéologie militaire, bien sûr. C'est un nouveau type de, je dirais, de dossier ouvert pour les périodes contemporaines, l'archéologie des périodes récentes. Effectivement, bon, les méthodes elles-mêmes sont pas forcément nouvelles. Il y a un lien direct méthodologique et également dans la définition du vestige avec les abris sous grottes, etc., qui sont connus pour les périodes beaucoup plus anciennes. Ce qui est nouveau, c'est la problématique, c'est le lien avec aujourd'hui. C'est-à-dire cette espèce de recul de 2-3 générations au maximum qui nous sépare de ces vestiges, ces modes de vie, de ces objets. On rencontre ici beaucoup de jouets d'enfants, des monnaies, des productions déjà du monde industriel qui nous sont très familières et dont on peut observer notamment les processus de dégradation. Donc c'est ici tout un champ expérimental qu'on doit ici initier. Sur ce site avec des protocoles d'observation dans la durée qu'on va mettre en place aujourd'hui et qui donneront de nouveaux types de renseignements pendant des années. Le dernier champ d'investigation qui n'est peut-être pas encore franchi, c'est celui de l'exaction de personnes fusillées, par exemple. Alors, il reste dans les grands thèmes abordés dans cette archéologie de la Seconde Guerre mondiale, il reste tout ce qui est lié à la dimension criminelle du conflit, que ce soit des crimes perpétrés en compte des civils ou des militaires, bon, peu importe. Alors, c'est une dimension évidemment qui est très historienne dans son esprit, puisque enquête, vérification de sources, établissement d'un dossier de preuve à charge ou à décharge, l'archéologue intervient, lui, à partir de ses découvertes, c'est-à-dire ses vestiges, lorsqu'on veut les faire parler d'une façon rigoureuse, eh bien, il faut les replacer dans un contexte. Et effectivement, il peut s'agir de preuves de maltraitance, de crimes, d'assassinats, de masse ou isolés. C'est un champ, je pense, auquel les archéologues sont susceptibles d'apporter leur contribution, non pas encore une fois une contribution unique ou qui remplacerait celle d'une autre voie de recherche, mais une contribution utile. Sachant que l'archéologie des camps de concentration est déjà faite. L'archéologie des camps de concentration a déjà commencé. Elle a encore certainement beaucoup d'années de recherche et beaucoup d'interrogations à soulever. C'est aussi une archéologie qui rejoint étroitement l'histoire, qui fait appel au témoignage, à la dimension orale d'un crime qu'on a voulu taire. Et les archéologues ont leur rôle à jouer dans cette histoire. Est-ce que vous auriez pu faire cette archéologie il y a 5 ou 10 ans? Ou est-ce parce que ça tombe pour finir sur le 70e anniversaire? Alors, pour finir, pour commencer, bon, toujours la même nuance, je pense qu'il y a 5, 10 ans, cette archéologie n'aurait pas forcément pu être mise en place parce que le public, tant au niveau des décideurs, d'ailleurs que du grand public, n'était pas forcément prêt à entendre cette proposition. Les grands anniversaires décennaux, 50e, 60e, 70e anniversaire, sont des leviers bien connus, au moins en Normandie et d'une façon beaucoup plus générale par tous les historiens de la Seconde Guerre mondiale, pour mettre en place des projets nouveaux, des questions nouvelles qui ont trouvé lors du 70e, en ce qui nous concerne, un écho favorable. Ce n'est pas non plus un hasard lorsque les témoins sont naturellement amenés à disparaître. L'archéologie, la recherche des vestiges, je prends le relais et ça me paraît finalement quelque chose d'assez logique. Donc les témoins directs disparaissent, l'archéologie se met en place sur ce thème. Le prochain sujet, la guerre d'Algérie. Pourquoi pas? Le sujet, c'est l'étude du passé récent, l'étude des dimensions liées aux grands conflits, d'ailleurs grands, pourquoi pas, aux conflits tout court du monde contemporain. Et les guerres coloniales, la guerre d'Algérie, comme toutes les guerres, méritent sans aucun doute d'être documentées sous un angle également matériel et pas seulement textuel ou historien au sens restreint. Ça s'étudie comment, un tel gisement? Archéologique ou pas? Alors ici, ça peut surprendre, mais on utilise les mêmes méthodes que pour une grotte du Paléolithique supérieur. On travaille avec le même type d'équipe, même avec les mêmes équipes. Donc on a plusieurs corps de métier, si on peut dire. Une équipe qui va se charger du scanner 3D, qui va prendre toute la volumétrie de la carrière, la relever de manière assez fine. Le même type d'outillage qui a été utilisé par exemple à Chauvet. Puis pour les études de détail, on fait de la photogrammétrie, on va photographier les sols, les restituer en 3D, les analyser avec les mêmes méthodes que celles qu'on peut utiliser pour des périodes très anciennes. 35 000 ans, 1944, ça se fait pas, c'est pareil. Cyril Mercini, on est devant une sorte de phonographe, ou du moins ce qu'il en reste, une pile de disques qui a presque totalement disparu. Qu'est-ce que l'on prend quand on part dans une carrière pour plusieurs mois ? On prend ce qui compte dans son environnement quotidien. Donc les gens sont partis avec les choses qui leur apparaissaient importantes. Il y a un autre fait aussi, c'est que les gens ont pu sortir la première semaine. Les combats faisaient pas encore faisaient rage, mais c'était assez calme. Donc ils ont pu ressortir assez régulièrement sur la première semaine et ramener d'autres objets auxquels ils tenaient. Hein. C'est que quelques objets, mais des objets qui étaient importants à leurs yeux. Et le phonographe ici devait être important aux yeux du propriétaire. Il serait tentant de le voir comme un espace collectif. Voilà, il y a de la vaisselle cassée. On fouillerait ça en préhistoire. On imaginerait bien un espace de banquet. Il y en avait probablement strictement rien. On est dans un espace privé, une unité d'habitation, et la personne tenait à son phonographe, l'a ramené, a ramené sa pile de disques, mais n'a pas pu sortir ses objets lors de la libération. Alors à la libération, on part et on laisse tout ou on reprend l'ensemble du matériel? Ici, ça a été un petit peu précipité. On leur a intimé l'ordre de sortir. Donc, beaucoup de choses ont été laissées sur place. Donc, il y a probablement beaucoup de choses qui sont sorties aussi à cette occasion-là. Mais on a encore pas mal de choses sur place et des choses qui peuvent être surprenantes. On peut avoir des vêtements. On a énormément de chaussures, chose qu'on ne s'explique pas entièrement pour l'instant. Même les témoins, ça les surprend quand on dit qu'il y a plein de chaussures partout. Ils ne comprennent pas. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui restent sur place. Et des vélos? Alors, on n'a pas de vélo sur place, encore qu'il y en a un, mais qui pose problème au niveau archéologique. On ne pense pas qu'il soit lié aux événements de 1944. Par contre, on a plein d'éléments liés au vélo lui-même. On a des rustines en très grande quantité. On a parfois des pneus. On a des petites limes pour réparer les crevaisons. C'est aussi quelque chose qui nous posait problème au début. Et grâce au témoignage de Mme Le Timonier, on sait que les gens circulaient à vélo dans cette carrière pour partie. Et que ces rustines-là ne sont pas là par hasard. Voilà, les vélos circulaient, crevaient sur place, étaient réparés. Donc, en plus de ces petits bruits qu'on a actuellement, les bruits qui devaient y avoir du brouhaha continuel, on devait entendre du bruit de bicyclette circuler entre les différentes unités. Une archéologie de la rustine, tout à fait. C'est quelque chose qu'on va trouver partout. Ça. Il y en a partout des rustines. Non, mais sur tous les sites, donc autour de Caen, l'agglomération cannaise, on va trouver des rustines, des chambres à air. C'est quelque chose. Donc il y avait des vélos partout. Ça, c'est quelque chose qu'on remet. Quant aux objets qui sont emmenés sous terre, apportés sous terre, il y a parfois des choses curieuses. Il y en a qui apportent des femmes qui emmènent leur robe de mariée, par exemple. On a des témoignages, elles y tiennent. Ça leur servira pas totalement sous terre, mais en tout cas, elles l'emmènent. On trouve des verres à liqueur. Ils ne vont pas servir sous terre, mais on y tient. En tout cas, il y a la récurrence de la tête de poupée en plastique. Oui, en celluloïde. Là, on l'a un petit peu partout aussi. Et vous avez des objets pour les garçons? Assez peu. À part un soldat de plomb, il y a eu un soldat de plomb trouvé, mais rien de particulier pour les garçons. Donc il devait jouer à la poupée? Oui, peut-être. On peut imaginer. Vincent Carpentier, pour conclure, nous sommes sur un symbole ou sur un sanctuaire des temps modernes? Alors c'est une question piège, bien sûr, le symbole, le sanctuaire avec une dimension religieuse, une dimension sacralisée, etc. par les sociétés, pourquoi pas? Je pense que dans la notion de symbole, ce qu'on peut retenir comme très intéressant, c'est le côté représentatif. On se trouve ici sur le dernier site de réfugiés de la bataille de Normandie qui soit conservé à un tel niveau. Il est important, bien sûr, de le garder en tant qu'archive pour les générations futures, d'en établir un relevé aussi précis que possible pour nourrir la recherche actuelle. C'est ce qu'a commencé à faire il y a déjà plusieurs années Laurent Dujardin, et c'est ce que nous continuons à faire ensemble aujourd'hui en croisant ces études archéologiques avec d'autres types de documents. Et il est intéressant également d'imaginer dans l'avenir une restitution au grand public. Et comment se fera-t-elle? La question est encore ouverte, c'est une question de moyens aussi en arrière-plan bien sûr. Ce qui est certain, c'est que une fois que ce site sera fermé, il faudra mettre en place une pédagogie, une information auprès du grand public, et pourquoi pas sous forme de restitution type Chauvet, Lascaux, ce que vous voudrez. Donc, est-ce qu'on peut parler de symbole, de sanctuaire? Peut-être pas exactement, mais en tout cas, à mon avis, on s'approche de cette définition. Il est 16h. Oula. Sans vouloir presser personne. «